Le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. 11e émission. août 1945, 15e audience. À Hiroshima, la première bombe atomique a été lâchée. Dans l'enceinte du palais de justice, le défilé des témoins se poursuit sans relâche. C'est le dernier carré du pétainisme. Les uns construisent un pétain qui ne sait rien, les autres un pétain qui sait tout. D'autres encore, une sorte d'image d'épinal. Rien ne paraît atteindre ce vieillard au visage de cire, pas si sourd qu'il voudrait bien le laisser entendre. À croire les témoins à décharge, le maréchal avait préparé une armée qui devait, le jour de la libération, se joindre aux troupes des alliés. Parmi les témoins entendus ce jour-là, l'amiral Bléau, 55 ans, actuellement en prison. Il est en tenue. Un garde, mitraillette à l'épaule, l'accompagne. Il décrit les conditions du départ en force de Vichy, du maréchal, en août 1944, pour Sigmaringen. À Sigmaringen, il y avait quatre groupes très différents de Français. Le maréchal et sa suite, d'abord, Pierre Laval et sa femme, les ministres qui ne voulaient plus rien faire et ceux qui avaient accepté de faire un gouvernement avec de Brinon. Le maréchal n'a eu aucune activité, n'a donné aucun ordre. Il serait intéressant de savoir si le maréchal est revenu volontairement en France. Un juré suggère que le maréchal réponde lui-même. À la surprise générale, le juré obtient de l'accusé une réponse. Il faut parler du départ depuis Sigmaringen jusqu'en Suisse. C'est tout le secret du départ. Êtes-vous revenu volontairement en France ? Oui, volontairement. Le maréchal déclare qu'il est revenu volontairement d'Allemagne. Est-ce que les Allemands n'ont pas fait obstacle à son retour ? L'amiral Bléau répond qu'après 36 heures de discussion, il avait obtenu qu'un diplomate suisse vienne le chercher et l'accompagne jusqu'à la frontière. Un autre fidèle du maréchal va venir à la barre. Il s'agit du général Campet. Quels sont vos noms, prénoms, âge, qualité, domicile ? Général Campet, Jacques, né le 2 février 1888 à Dax. Général en disponibilité, actuellement domicilié à Clermont-Ferrand. Quelle question, monsieur le bâtonnier ? Le général Campet a été pendant 3 ans, en 1941, 1942, 1943, le chef du cabinet militaire du maréchal. Il est naturellement très au courant des sentiments du maréchal et de son activité, au regard en particulier des Allemands. Je lui demande de bien vouloir s'expliquer sur ce point. Monsieur le Président, messieurs les jurés, à mon retour de captivité au début de 1940, j'ai été désigné comme chef du cabinet militaire du maréchal. Je suis resté à ce poste jusqu'en janvier 1944. Date à laquelle j'ai été mis à la porte par les Allemands. Mes fonctions essentielles consistaient à tenir le maréchal au courant de la situation militaire. Tous les matins, j'entrais dans le bureau du maréchal, muni des dépêches, des communiqués, des cartes, et je le tenais au courant de la situation. Ayant fait cela pendant 3 ans, je peux donc affirmer que le maréchal ne pouvait pas croire à la victoire allemande. Il ne pouvait pas y croire parce que les renseignements donnés au maréchal concluaient tous précisément non pas à la victoire, mais à la défaite allemande. Le maréchal savait que la victoire allemande était impossible. Il ne s'agit pas de dire que le maréchal n'y croyait pas, désirait ou ne désirait pas la victoire allemande. Pour qui connaissait le maréchal, la question ne se posait pas. Les questions de sentiment ne se posaient pas pour le maréchal, seules les questions de raison importaient. Mes deuxièmes fonctions consistaient à m'occuper de la correspondance du maréchal. Cette correspondance était très importante puisqu'elle atteignait à certaines époques jusqu'à 2000 lettres par jour. Il n'y avait pas une victime de l'Allemagne, un condamné, un déporté, un arrêté, soit lui ou sa famille, qui ne s'adressa au maréchal pour demander sa grâce ou un adoucissement de sa peine. On répondait à toutes ces lettres, y compris celles des prisonniers de guerre. Et pour ces derniers, le maréchal avait créé une commission qui, sous la direction du général Besson, puis du général Collechèvre, réunit des vives et de la viande qui venaient d'Argentine, des poulets de Hongrie, des poissons qu'il fallait faire venir de Dakar. Il fallait expédier tout cela, réunir de l'argent, trouver des wagons. Le maréchal s'est occupé de cela avec passion. Sa préoccupation constante était celle des prisonniers. Ensuite, mes autres fonctions étaient des fonctions de représentation. J'accompagnais le maréchal dans ses visites, dans ses tournées, ses audiences. Et au cours de ses visites, de ses audiences, j'ai entendu toutes les allocutions, toutes les paroles que le maréchal a prononcé. Et ce que j'ai entendu me permet aussi d'affirmer que le maréchal n'avait pas précisément des sentiments pro-allemands. Ce que j'avance, monsieur le président, les milliers de gens qui ont entendu le maréchal comme moi peuvent l'affirmer. Certains ont reproché au maréchal de ne pas parler assez. D'autres lui ont reproché de parler trop. On reproche au maréchal un certain nombre de dépêches ou de messages qui, certainement, n'ont pas été rédigés par lui. Mais on ne fait jamais allusion aux milliers et aux milliers de discours et d'allocutions qu'il a prononcés en public. On y verrait que le maréchal n'a pas toujours, comme on le dit, prêché la collaboration ni l'acceptation de la défaite. Il y a des phrases qui reviennent sans cesse comme... La fortune n'est pas toujours contraire. Il s'est toujours opposé à ce qu'on changeât les sceaux de l'État. Pas un acte n'a été commis par les autorités allemandes contre les Alsaciens et les Lorrains sans qu'il y ait une protestation écrite du maréchal. Je voudrais encore dire un mot au sujet de l'intérêt que le maréchal a porté à la jeunesse et aux œuvres de la jeunesse. Les chantiers de la jeunesse créés au début de son règne ont été une réussite. Voilà, monsieur le président, ce que je pouvais dire au sujet de l'action et des sentiments du maréchal. Alors, on a objecté, mais pourquoi le maréchal n'est-il pas parti après 1942? Ben, c'est parce qu'il ne voulait pas abandonner son peuple dans le malheur. Le maréchal est resté pour défendre ce qu'il pouvait défendre, ce qu'il pouvait sauver. Il ne m'appartient pas de dire s'il a réussi. J'estime, cependant, qu'il a sauvé beaucoup de choses. Je n'ai jamais entendu le maréchal appeler à la révolte contre la République. Le général Campet, qui poursuit son homélie, est brutalement interrompu par le maréchal Pétain qui s'agite sur son fauteuil. Assez. Le maréchal me dit assez. Je crois d'ailleurs avoir terminé. Mais si vous le permettez, je vous dirai pour finir que le règne du maréchal a été une résistance et une lutte continue contre l'Allemagne. Je crois qu'on lui doit gratitude et respect. Je vais vous poser une question que je pose à chaque fois. Vous nous avez déclaré que le maréchal était la loyauté et la sincérité même. D'ailleurs, le maréchal confirmait tous les Français dans cette idée, car sa première déclaration, quand il a pris le pouvoir, a été, se séparant des parlementaires corrompus, selon ses propres termes, de dire que lui, personnellement, avait une haine profonde du mensonge qui nous avait fait tant de mal. Évidemment, les Français, entendant le maréchal dire qu'il avait la haine des mensonges, ne pouvaient pas imaginer que le maréchal allait pratiquer une politique de mensonge. Car une politique de duplicité, c'est une politique de mensonge. Or, vous nous dites que les manifestations du maréchal consistaient à relever le courage des Français, à leur dire qu'il ne fallait pas désespérer, que la France avait perdu une bataille. C'est ce que dit le premier message du général de Gaulle. Et que l'espoir était encore permis et qu'il fallait suivre les étoiles. Je prends au hasard, j'ai une collection de messages dans mon dossier, tout à fait au hasard. Je l'ouvre à la page relative à la LVF, je lis. En participant à cette croisade, dont l'Allemagne a pris la tête, acquérant ainsi de juste titre à la reconnaissance du monde, pour contribuer à écarter du monde, etc. Et un peu plus loin, le maréchal Pétain a été heureux de recevoir la photographie que lui ont fait parvenir 18 sous-officiers volontaires contre les bolchevistes. Il tient à les complimenter des nobles sentiments qu'ils expriment, ainsi que la foi dans l'édification d'une Europe nouvelle. Je pourrais en lire peut-être 50 de la même encre et du même sentiment. Première question. Comment arrivez-vous à concilier la duplicité et la haine du mensonge ? Deuxième question. Quelle était la politique qui était pratiquée sous la direction du maréchal Pétain? C'était la politique, nous a-t-on dit, de M. Laval, politique de collaboration avec l'Allemagne. Il y a une chose singulière, c'est que quand le maréchal se sépare de M. Laval, ce n'est pas pour des raisons de politique extérieure. Et la meilleure preuve, nous dira-t-on probablement, c'est que cette politique extérieure qui n'est pas réprouvée par le maréchal, cette politique extérieure, nous constatons qu'elle se poursuit avec l'amiral Darlan. Pendant les 4 années d'occupation, nous avons vu le maréchal Pétain patronner, au moins officiellement, la politique de collaboration. Or, les Français moyens... Les Français qui ne savaient pas que derrière cette façade de loyauté ou de sincérité du maréchal se cachaient des roueries à la Talleyrand ou à la Machiavel, les Français ont cru à la face que leur montrait le maréchal Pétain, celle d'un homme qui avait horreur du mensonge. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est là le problème. Car c'est de là qu'est né le malaise, à la fois pendant les 4 années d'occupation. Et c'est de là que sort encore le malaise dont nous souffrons. L'explication est difficile à donner. Mais il est sûr que le maréchal, comme on l'a dit bien des fois, n'était pas libre et qu'un certain nombre de messages et de dépêches lui étaient imposés. Et il ne pouvait pas faire autrement. S'il avait pu éviter les messages qu'on lui reproche, il l'aurait sûrement fait. Il ne pouvait plus. On nous a dit 2 choses. Premièrement, il pouvait se taire. Deuxièmement, il pouvait partir. Or, il ne s'est pas tu et il n'est pas parti. Sur les bancs de la Défense, on réagit vivement aux propos du président. Le bâtonnier païen s'emporte. Je ne veux pas répondre à votre réquisitoire par une plaidoirie. Ce n'est pas un réquisitoire. C'est une question que je pose. Cela y ressemble. Voulez-vous me permettre de rappeler, encore une fois, qu'il n'est pas question de plaider ici, et que j'apporterai toutes sortes de réponses décisives, je crois, à ce que vous venez de dire. Ah, si ces messieurs le désirent, je m'embarquerai sur ce terrain. Mais vraiment, ce n'est pas le moment. J'ai posé une question au témoin, et je l'ai prié de me répondre sur ce problème de psychologie. Il vient de vous répondre que le maréchal n'était pas libre, et que très souvent, il a fait des gestes et prononcé des paroles, on peut le dire, qui lui étaient imposées. Et ces gestes, ces paroles, ces messages ont été plus nombreux à côté des paroles de sens opposées qu'il a prononcées. Non. Ces paroles avaient une publicité quand les autres avaient une publicité restreinte. En cours d'appel, nous avons tous entendu ces messages et nous n'avons jamais entendu les protestations. Nous n'avons jamais entendu les encouragements dans le sens contraire. Pas de questions ? Messieurs les jurés, Monsieur Lévy Alfandéry. Le témoin, vous affirmez tout à l'heure que le maréchal n'avait pas fait disparaître les salles de mairie, le buste de la République. Oui, monsieur le juré. Mais pourrait-il nous dire pourquoi il a fait disparaître sur nos timbres l'effigie de notre République pour le remplacer par son effigie à lui? Sur les timbres postes? Oui, sur les timbres postes. Je ne pourrais pas vous répondre précisément parce que l'administration des postes avait une certaine autonomie. Mais je peux vous affirmer que jamais le maréchal, qui n'avait aucune ambition, n'a demandé à ce que l'on mette son effigie sur les timbres postes. Il a fait un communiqué au journal officiel disant qu'il ne fallait pas le faire. On lui a sûrement imposé. Une autre question, Monsieur Guérin. Monsieur le Président nous a dit qu'un certain nombre de messages du maréchal laissaient supposer à l'ensemble du peuple français que la victoire était d'ores et déjà acquise à l'Allemagne et que ce serait en même temps la victoire d'une civilisation chrétienne, qu'il appelait d'ailleurs la civilisation chrétienne. Nous sommes tout de même inquiets de savoir dans quel sens véritable s'orientaient les désirs secrets du maréchal et ce qui serait advenu si la guerre avait tourné d'une autre manière. Voulez-vous me permettre de préciser? Il y a une confusion. Laissez le témoin répondre à la question posée. Ne donnez pas d'explications. Les explications, vous les donnerez au cours de votre plaidoirie. Ce n'est pas une explication, c'est une question. Ne répondez pas aux questions des jurés. Je crains qu'il y ait une confusion entre les messages publics du maréchal et ses sentiments profonds. Le général Campé a dit que le maréchal était convaincu de la victoire des Alliés. Il n'y avait pas de sentiment là-dedans. Si vous opposez les prévisions rationnelles et puis les sentiments, évidemment, je demande aux témoins de bien vouloir préciser quelle est la vérité et ce qu'il a voulu dire. Je n'ai pas voulu dire autre chose que ce que vient de dire Monsieur le bâtonnier. Monsieur Pernet, vous avez une question. Je regrette qu'on ne produise pas ici les disques de tous ces messages qui seraient en contradiction absolue avec tout ce que vient de nous déclarer le témoin. Tous les Français comprenaient, je vous assure, que le maréchal jouait un double jeu. Par conséquent, quand il nous disait qu'il fallait avoir confiance et qu'il désirait la victoire de l'Allemagne, que ce soit par sa parole ou par celle de Monsieur Laval, il n'en restait pas moins tout de même dans leur esprit qu'au gouvernement, ils désespéraient de tout. Nous avons même un disque sonore. Monsieur le procureur général et moi, nous sommes d'accord, et je suis responsable de la police de cette audience, pour trouver inutile, même pour la manifestation de la vérité à laquelle je désire participer le plus largement possible, de donner à cette audience l'allure d'une salle de spectacle. Bien. Pas d'observation de la part de votre client, monsieur le bâtonnier? Non. C'était le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. 11e émission. Le président Mongibaud, Gabriel Ledose. Pétain, Roger Dumas. Le bâtonnier païen, Philippe Leudenbach. Maître Isorni, Laurent Cléry. Amiral Bléau, Didier Flamand. Général Campé, Michael Lansdal. Juré Pernet, Alain Fromager. Juré Lévi Alfandéry, Philippe Béglia. Juré Maurice Guérin, Pierre-Jean Pagès. Narration, Hélène Nosseur. Bruitage, Sophie Bissens. Assistance technique et montage, Clotilde Thomas. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Étienne Vallès.